En 1996, les sportifs du monde entier se rassemblent pour les Jeux d'Atlanta. Richard Jewell, un agent de sécurité sur place, y découvre un sac à dos contenant une bombe et fait évacuer les lieux. Éloignez-vous de la tour ! D'abord salué pour sa réactivité, Richard Jewell devient très vite un suspect. On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe. L'édifiante histoire vraie d'un héros devenu l'ennemi public numéro 1. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Mon fils est un héros ! Le cas Richard Jewell, un film de Clint Eastwood, le 19 février au cinéma. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Être philosophe n'empêche pas d'être concerné par les choses du quotidien, surtout lorsque l'on possède du beau linge. Le 16 janvier 1752, Jean-Jacques Rousseau dépose plainte chez le commissaire Michel de Rochebrune à Paris. Il vient de se faire voler ses chemises. Oui, ses chemises. 22 chemises fines garnies de manchettes unies, brodées et festonnées, marquées pour la plupart de la lettre R. Du côté droit, il y a aussi 4 mouchoirs, dont un blanc et 3 blancs et bleus, 14 cols à 4 boutonnières et 9 coiffes de nuit, le tout marqué de la lettre R. Ça énerve de se faire voler, même le plus grand des philosophes. Mais quelques années plus tard, dans ses confessions, Rousseau tire une morale de cette triste affaire et il écrit « Cette aventure me guérit de la passion du beau linge et je n'en ai plus eu depuis lors que de traits communs. » Plus assortissant au reste de mon équipage. Oui, voilà comment l'histoire d'un voleur de chemise a rendu le philosophe encore plus philosophe. Cette semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, Police, je t'aime, moi non plus. Ces liens étroits que la population entretient avec sa police, entre amour et parfois un peu énervement et détestation. Police, je t'aime, police, je ne t'aime plus. Des émissions que vous pouvez écouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons regarder la police du siècle des Lumières. Qui se met en place en fait assez récemment. Vincent Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur de L'admirable police, tenir Paris au siècle des Lumières. Cette admirable police intrigue comme titre. Pourquoi au XVIIIe siècle, la police serait-elle admirable? Alors, faut surtout pas oublier les guillemets du titre. Ils sont importants. L'admirable police, parce que c'est une citation qui vient du journal d'un bourgeois parisien, Siméon Prosper Hardy, qui est libraire, et qui, lui, a besoin de se sentir protégé par la police, et donc il loue l'admirable vigilance de cette police. Mais tout le monde dans la population parisienne n'a pas forcément le même point de vue sur cette police. Voilà, c'est la question toujours complexe avec la police. Elle est nécessaire car elle nous protège, et puis de temps en temps, elle énerve. Pour nous parler de cette police du XVIIIe siècle, vous êtes avec nous également, Isabelle Fouché, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études documentaires au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime des Archives Nationales. Vous êtes responsable du fonds du Châtelet de Paris. C'est quoi ce fonds du Châtelet? C'est le fonds d'un tribunal royal d'Ancien Régime où il y a des juges qui jugent aussi bien des affaires civiles, criminelles, que de police, avec un lieutenant général de police. Et vous êtes l'auteur d'Écris-moi si tu m'aimes encore. Écris-moi si tu m'aimes encore, c'est beau comme titre déjà. C'est quoi? C'est une correspondance amoureuse du XVIIIe siècle d'un commissaire? Non, ça a été retrouvé dans les archives d'un commissaire. En fait, c'était des lettres dont on ne savait pas du tout ce que c'était. C'était des lettres codées. Et en fait, c'était des lettres d'un cousin pour sa cousine. Voilà. Et on ne savait pas ce que c'était, et donc voilà, on a réussi à les décoder. À les décrypter, et en fait, voilà, c'était deux amoureux qui n'avaient pas le droit de s'aimer puisqu'ils étaient cousins et que le cousin n'était pas très recommandable. Écris-moi, et ça a été retrouvé dans les archives d'un commissaire puisque lui était mort à Paris lors d'un duel. Voilà. On ne dira jamais assez combien les archives de la police sont nécessaires, et elles sont toujours formidables. On adore se plonger dans ces archives-là. Et avec nous également, Nicolas Vidoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous êtes l'auteur de La police des Lumières. Cette police des Lumières est assez fascinante. Je le disais, c'est une police récente en fait. La notion de police, si on la regarde sur le temps long, on l'associe à la lieutenance de police créée par Louis XIV en 1667. Il y a toujours eu un fonctionnement pour protéger la ville, pour s'intéresser à la ville. Oui, exactement. La police est une notion qui existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Mais on voit qu'à partir de 1167 et la création de la lieutenance, elle change de sens et elle change de pratique surtout. Et elle vise à, en quelque sorte, faire la lumière sur la ville, à la fois une lumière matérielle, éclairer les rues, mais également s'intéresser aux lumières, les lumières philosophiques. Et c'est le sens de la police des lumières. Le sens de la police des lumières qui intéresse énormément. Aujourd'hui, il y a une exposition aux Archives nationales qui va ouvrir bientôt début mars. Le 11 mars autour de la police des lumières, nous allons en parler. Mais pour le moment, faisons un petit tour au sommet du pouvoir. Oui, en 1667, un dialogue entre Louis XIV et Colbert. Sire, il vous faut mettre de l'ordre dans Paris. Comment comptez-vous vous y prendre ? Agir en trois temps. D'abord, réunir un conseil de réformation de la police. Puis envisager avec les membres de ce conseil ce qu'il faut faire pour donner à Paris toute la beauté digne de votre règne. Enfin, choisir un homme chargé d'appliquer dans la capitale les ordres que vous aurez donnés. Mais quel gentilhomme désignerez-vous pour exécuter mes ordres ? Sire, il vous faut désigner, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent, un lieutenant général de police. Connaissez-vous un homme à tête froide, obstiné, courageux ? Qui puisse assurer la sécurité de Paris. Je connais un maître des requêtes arrivé à Paris depuis 5 ans environ. Ce gentilhomme, je l'ai chargé l'an dernier de me proposer une réforme de la juridiction des amirautés. Il a fait un remarquable travail. Quel est son nom ? Le sieur Nicolas de la Reynie. Nicolas de la Reynie, un dialogue fictif entre Colbert et Louis XIV, un dialogue de l'Office national de radiodiffusion française de Limoges en 1967, et ce n'est pas un hasard 1967, nous sommes 300 ans après la création de cette lieutenance de police par Louis XIV. Vincent Millot, que signifie la création d'une lieutenance de police ? Est-ce que c'est un moment vraiment marquant ? On est uniquement à Paris, mais dès lors on a malgré tout un modèle pour les autres villes du royaume et peut-être même hors de France. Alors, deux choses pour aller dans le sens de ce qu'expliquait tout à l'heure Nicolas Vidoni. Pas d'erreur, la police à cette époque-là, le synonyme le plus simple, ce serait administration d'une ville. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus large que le seul maintien de l'ordre tel qu'on l'entend de nos jours. La décision de 1667, c'est une décision avec une portée politique évidente. Il s'agit pour le roi qui se méfie de Paris, notamment après les événements de la Fronde, de prendre le contrôle en quelque sorte sur les institutions parisiennes, puisque la police était répartie entre plusieurs magistrats et également la ville. Partout dans le royaume, les pouvoirs de police sont essentiellement exercés par des municipalités, des échevinages. Donc là, il s'agit bien d'établir le contrôle royal dans la ville capitale sur les rouages qui sont déterminants pour le maintien de l'ordre public, étant entendu que cet ordre public est beaucoup plus large que simplement poursuivre les voleurs, même si ça en fait partie. Alors, est-ce que c'est un modèle pour l'ensemble du royaume ? C'est ce que l'historiographie a longtemps raconté. En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas eu de projet politique de généralisation du modèle parisien, puisque la monarchie n'en a pas les moyens, et elle sait que nombre de municipalités, par exemple à Lille, à Marseille, à Toulouse, connaissent la ville, la tiennent déjà, la maîtrisent, et donc il n'est pas nécessaire de bouleverser complètement les institutions. Quand il y aura création de lieutenant général de police en province à la toute fin du XVIIe siècle, en fait, les villes vont racheter ces charges pour ne pas être dessaisies de leur pouvoir de police. Mais la lieutenance de police de Paris est vraiment restée dans l'image comme le pouvoir royal qui s'intéresse à la police de sa capitale. Isabelle Fouché, dès le début de cette conversation, il faut évoquer les archives de la police que vous connaissez bien, vous y travaillez. Oui. Et c'est vrai qu'en écho à ce que disait Vincent Millot, on va trouver des préoccupations qui ne portent pas simplement sur arrêter les voleurs. Mais indirectement, c'est toujours un peu ça. Par exemple, l'éclairage des rues ou la sûreté des rues ou la maîtrise de la rue la nuit, c'est aussi assurer la sécurité des gens. Oui, alors les archives, on va les trouver à la fois aux Archives nationales, tout le côté juridictionnel, et puis aussi à la bibliothèque de l'Arsenal, les archives de la Bastille, où il y a tout le côté surveillance et enfermement. Voilà, il y a ces deux aspects-là qu'on trouve à la fois aux Archives nationales et à la bibliothèque de l'Arsenal. Et donc, il y a au quotidien, ça va être des hommes, bien sûr, qui incarnent tout ça. Il y a le lieutenant de police dont on a parlé, mais ensuite, il va y avoir les commissaires qui, eux, sont nés il y a très longtemps, qui existent bien avant la création de la lieutenant général de police, qui eux font ont des missions à la fois, comme j'avais dit, civiles, criminelles et de police, puis les inspecteurs, qui vont être créés et recréés en 1740, et ensuite des forces de l'ordre, le guet, la garde. Et bien sûr, on en reparlera, tous les nombreux, ceux qu'on appelle les mouches, qui en fait, au quotidien, surveillent, qui peuvent être issus des délinquants et qui aident les équipes de police. Dans la volonté du roi de créer une lieutenance de police, on a une volonté administrative, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie administrative. Nous avons notre imaginaire en tête, lié souvent à ce que nous connaissons de la police d'aujourd'hui. La police du XVIIIe siècle ne ressemble pas à celle-là, dans le sens où au plus bas, là où nous avons nos policiers du quotidien, ce n'est pas exactement le même système au XVIIIe siècle, Vincent Millot. Non, alors il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des acteurs de terrain dont certains existent bien avant, comme le rappelait Isabelle, la création de la lieutenance de police, hein, les commissaires au Châtelet, et non pas commissaires de police, hein, viennent de la fin du Moyen-Âge, enfin, se revendiquent comme étant parmi les plus anciens officiers de la juridiction royale du Châtelet. Alors, la lieutenance de police, c'est à la fois la création d'une administration totalement inédite, avec donc ses archives, sa bureaucratie, donc qui se met en place tout au long du XVIIIe siècle, et ça, c'est exceptionnel. Et sur le terrain, donc, il y a un certain nombre d'acteurs. Et parmi ces acteurs, certains qui sont entre, on va dire, justice et police, puisque les commissaires sont en même temps juges dans leur quartier, et de nouveaux intervenants, comme les inspecteurs, qui, eux, sont véritablement des policiers. On pourrait dire des flics, déjà, hein, qui sont sous le contrôle étroit du lieutenant général de police. Et leur rôle, c'est très clairement de lutter contre un certain nombre d'illégalismes. Lutter contre tout ce qui ne va pas est aussi la marque du pouvoir de mettre la main sur l'ensemble de la société et de la ville. Hein. Géographiquement, c'est cette volonté de Louis XIVe, enfin du pouvoir qui évolue, contrôler au maximum. Nous allons le voir par une illustration, une ordonnance du lieutenant de police. Elle est datée du 16 février 1695, elle porte sur les cabarets et autres lieux de débit de boissons et elle nous est lue ce matin dans le cours de l'histoire en direct sur France Culture par Olivier Martineau. Plusieurs d'entre eux, les limonadiers et vendeurs d'eau de vie et autres liqueurs, donne lieu depuis quelque temps à des désordres si considérables et si fréquents que la tranquillité et la sûreté publique en seraient infailliblement troublées s'il n'y était promptement remédié. Et il est d'autant plus nécessaire de faire cesser ces désordres que ceux qui exercent cette profession, dont le nombre a été beaucoup augmenté depuis l'année 1677, ayant fait de leurs boutiques et maisons autant de nouveaux cabarets de liqueurs qui restent ouverts pendant toutes les heures de la nuit, dans tous les quartiers et faubourgs de Paris. Ces boutiques et maisons servent maintenant de lieux d'assemblée et de retraite aux voleurs de nuit, filous et autres gens malvivants et déréglés. Ce qui se fait avec d'autant plus de facilité que toutes ces boutiques et maisons sont désignées et distinguées des autres par des lanternes particulières sur la rue qu'on y allume tous les soirs et qui leur servent de signal. L'ordonnance du lieutenant de police du 16 février 1695 sur les cabarets et autres lieux de débit de boissons qui nous est lu par Olivier Martineau, Nicolas Vidoni. Nous entendons dans cette ordonnance des quartiers, des faubourgs, il y a des cabarets, il y a d'autres lieux de débit de boissons. À Paris, il y a le jour, il y a la nuit, comme partout. Il y a la volonté du pouvoir de maîtriser son territoire, le territoire de la capitale, le territoire parisien. Oui, exactement. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette ordonnance, si on la recontextualise un peu, c'est qu'en réalité, il y a deux problèmes qui se posent à propos des cabarets. Le premier problème, c'est un problème fiscal. On a ici des lieux qui rapportent beaucoup d'argent, qui voient des consommateurs nombreux venir la nuit, le jour, consommer. Et la monarchie, à l'époque, a besoin d'argent. Elle est engagée dans des guerres qui sont très coûteuses. Et donc, ces lieux posent problème parce que les cabaretiers, les tenanciers, font en général quelques problèmes pour payer les impôts. Deuxième élément, et ça c'est plus intéressant du point de vue de la police, on a ici un lieu qui concentre, l'ordonnance le dit, des filous, des bandits, des gens qui commettent des illégalismes, et en réalité la police va essayer de les contrôler, non pas pour les faire fermer, mais en réalité pour essayer de recueillir des informations. Et la tendance au XVIIe, mais surtout au XVIIIe, c'est d'essayer de faire des cabaretiers, des tenanciers d'auberge, ce qu'on pourrait appeler des auxiliaires de police. Et on a là tout un problème qui se pose continuellement, c'est-à-dire que, évidemment, ces cabaretiers refusent. S'ils acceptent, ils perdent leur clientèle. Mais en même temps, ils sont contraints par cette police qui leur demande, en leur promettant, en quelque sorte, de façon un peu tacite, de laisser leur établissement se maintenir, qui leur demande de donner des informations. Et on voit un jeu ici tout à fait intéressant, un dialogue entre les autorités, les cabaretiers, le monde de l'illégalisme et le monde légal, on va dire, de la police. Et ce dialogue se construit à différents niveaux de la société, même s'il faut laisser les niveaux aux maçons. Le dialogue, il se construit notamment entre les gens des cabarets et le plus bas de la police, c'est-à-dire les mouchards. Si l'on veut faire un panorama de l'ensemble des policiers possibles au XVIIIe siècle, on va avoir des gens fréquentables, des gens bien, et d'autres un tout petit peu moins fréquentables. Vincent Millot, le lieutenant de police, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un d'important. Oui, lui c'est un quasi-ministre, puisque il accède directement à la personne du roi. En fait, les effectifs, il faut peut-être se pencher juste là-dessus. La population parisienne, à l'époque de Louis XIV, c'est 500 000 habitants environ. À la veille de la Révolution, c'est 600 à 700 000 habitants. Pour contrôler cette population qui bouge beaucoup et au sein de laquelle les inégalités, les contrastes sociaux sont très importants, qui a-t-on ? On a 48 commissaires, une vingtaine d'inspecteurs. On sait qu'il y en a un petit peu plus, en comptant ceux qui vont rentrer dans la carrière, les honoraires, etc. Après, il y a les forces militaires. Au total, si on additionne tout, ça fait peut-être 6000 personnes pour maintenir l'ordre dans une ville de 600 à 700 000 habitants. 6000 personnes bon poids, c'est la seule ville qui est à ce point encadrée. Mais ça ne suffit pas. Et donc, comme le rappelait Nicolas Vidoni, la police a besoin de relais dans la population. Et ces relais, elle les cherche chez les cabaretiers, chez les logeurs, chez les revendeurs, chez les mères maquerelles, chez ceux qui tiennent aussi des cercles de jeu. Et dès lors apparaît cette figure que vous avez évoquée, Isabelle Fouché, celle du mouchard, celle de la mouche. On le retrouve dans la littérature, notamment dans la littérature contemporaine. Dans les romans de Jean-François Parot, le créateur de Nicolas Le Floch, transformé en série télévisée. Ayez pitié, monseigneur, du pauvre babouine et de sa géniture. Bordeaux vous aura enseigné sur mes volontés. Il en sera fait selon votre volonté, monseigneur. Soyez précis, ne lésinez pas sur vos assistants. Oui, monseigneur. Pensez-vous que l'enfant soit le sien ? Certainement pas. Sans doute quelques malheureux qu'on aura enlevés tout petit pour le destiner à la mendicité. Et qui, tout comme Rabouine, sert à présent d'auxiliaire à la justice. Monsieur de Sartine a raison. Les voix du grand architecte de l'univers prennent parfois des tours obliques. Avec ces mouchards, nous sommes vraiment dans une limite poreuse entre le monde des malfrats et celui de la police. On peut passer de l'un à l'autre, Isabelle Fouché. Bien sûr, oui, oui. Alors effectivement, il y a les auxiliaires propres, disons, qui sont les anciens concierges et les principaux locataires, ceux qui dirigent les maisons. Il y a les cabaretiers, il y a les revendeuses. Et puis, il y a tous ceux qui sont des anciens criminels ou qui sont d'ailleurs encore criminels et qui font les deux en même temps, qui sont à la fois mouchards, criminels, soit voleurs, prostituées, etc. Et alors, dans l'intérêt que nous portons à la police, c'est vrai que nous focalisons sur le combat contre le crime. Mais dans les attributions du lieutenant de police, vraiment, ça va au-delà. Quand on regarde Vincent Millot, tout ce que doit faire le lieutenant de police, il y a beaucoup plus. Il y a toutes les questions de voirie. La recherche des bandits, des malfrats, n'occupe pas tout son temps, loin de là. Non, enfin, la principale mission de la police partout, pas simplement à Paris, c'est d'assurer la subsistance du peuple. En particulier dans les grandes villes, parce que tout problème de subsistance risque de provoquer des émeutes et donc des troubles à l'ordre public. C'est ça qui les inquiète effectivement fortement. Donc, le rôle principal des villes et à Paris du lieutenant général de police, c'est d'assurer régulièrement, à bon prix, la subsistance de la population. Au-delà de ça, c'est vrai que puisque police veut dire administration de la ville, d'autres problèmes sont abordés. Donc les questions de voirie, les questions d'insalubrité qui deviennent de plus en plus criantes dans une ville qui est de plus en plus populeuse, donc sont prises en compte par cette administration qui semble gigantesque à l'échelle du XVIIIe siècle. Parce qu'il faut lutter contre le malfrat, c'est une chose, mais que la population ne bénéficie pas d'infrastructures ou d'approvisionnement suffisant peut conduire à l'émeute. Nicolas Vidoni, le XVIIIe siècle est également marqué par des émeutes. Les émeutes de 1750-1751 à Paris sont un moment très particulier dans le rapport de la population avec sa police. Oui, tout à fait. Alors là, on a un épisode qui est tout à fait intéressant parce que on a des révoltes qui se produisent entre 1750 et 52 à Paris. La raison première, c'est une rumeur. On prétend dans les rues que les enfants sont enlevés par la police pour aller peupler les colonies américaines, la Louisiane en particulier. Et à partir de cette rumeur, que voit-on ? On voit une partie des petits métiers, des gens qui tiennent des boutiques, mais également des personnes plus populaires qui vont se focaliser sur les inspecteurs de police, mais surtout sur leur monde, ce qu'on appelle le monde des inspecteurs, qui sont les auxiliaires qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont à mi-chemin entre le monde des malfrats et le monde de la police. Et que remarque-t-on ? On remarque que la population court dans les rues après ses auxiliaires. Il y en a un qui est pendu, on essaye d'en rechercher un qui se nomme Parisien, qui est très connu dans Paris, dans les rues de Paris. Et à qui s'en prend-on ? On s'en prend à cette police un peu nouvelle, un peu, comme le dirait Saint-Simon quelques années plus tôt, un peu inquisitoriale, c'est-à-dire une police qui ne va pas respecter les codes, les usages traditionnels de la communauté et qui va en quelque sorte enfreindre des règles tacites ou ce qui peut être communément admis. Et c'est donc contre cette police qu'on va se révolter également. Et là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Isabelle Fouché. Oui, cette révolte, en fait, c'est... Il y a quelque chose qui est subi en fait par la population et qui la maintient en fait sous pression, c'est quand même le fait qu'un certain nombre de personnes sont enfermées. Et quand je dis un certain nombre, c'est beaucoup. On a à peu près les chiffres de 10 000 enfermés dans Paris sur la population qu'indiquait Vincent Millot tout à l'heure, de 600 à 700 000 personnes. C'est une personne sur 60 qui est enfermée. Pour raison de mendicité, pour raison de folie, mais pour raison aussi de vol ou prostitution, mais pour lesquels on n'a pas réussi à trouver la preuve. Et c'est donc des gens qui auraient dû être remis en liberté, mais qu'on enferme pour ces raisons. 10 000 enfermés, c'est donc une personne sur 60. Ça, c'est vécu difficilement, forcément. C'est une énorme pression, une énorme terreur sur la population. Et ce qui va se passer en 1750, c'est que c'est les enfants qui sont arrêtés, les adolescents. Et la population, là, il va y avoir quelque chose, c'est insupportable, y compris les enfants de bourgeois. Et donc, il va y avoir cette révolte des classes populaires, des classes bourgeoises contre la police. Très, très forte. Au point que le lieutenant général de police devra s'enfuir, qu'il y aura ces massacres d'une mouche. Voilà, en 1750-51, on en veut beaucoup à la police. Pourtant, le XVIIIe siècle est marqué par de grandes figures de bandits, hein, les mandrins, les cartouches, qui sont présentés comme des héros populaires. Vincent Millot, étaient-ils des héros populaires, ces bandits ? Ils le sont devenus par la patine du temps, ou déjà ils étaient repérés comme étant peut-être, alors un peu des Robins des Bois, comme on pouvait les présenter dans les brochures. Alors cette figure du voleur au grand cœur devenant une sorte de Robin des Bois, c'est une construction après coup. Et ce ne sont pas des gens qui sont forcément spontanément populaires. Alors dans le cas de Cartouche, qui a été bien étudié par l'un de nos collègues, Patrice Pévry, en fait, c'est un personnage qui se déplace aisément dans des milieux populaires qui sont traversés par des illégalismes et qu'il faut comprendre comme autant de moyens de survie, parce que la vie à l'époque est une vie fragile. Bien. Et ce qui fait surtout la popularité de Cartouche, c'est en quelque sorte, si vous me passez l'expression, un tueur de flics. C'est quelqu'un qui va s'opposer à cette nouvelle police que le deuxième lieutenant général de police met en place, le lieutenant d'Argenson, qui est une police qui est secrète, qui est fondée sur la dissimulation, sur l'infiltration des milieux à risque. Et donc, voilà, pour lutter contre la délation, pour lutter contre les mouches, Cartouche n'hésite pas à tuer ces personnages-là, et il en retire en quelque sorte un surcroît de popularité. En fait, cette nouvelle police, elle modifie considérablement les régulations sociales habituelles, qui sont plutôt fondées sur le voisinage, sur le rôle des notables, et sur des formes publiques en partie contrôlée par la justice. Et ce qui se passe au début du XVIIIe siècle, c'est qu'en quelque sorte, si on devait schématiser à outrance, cette nouvelle police, elle sort progressivement du cadre de la loi, avec le prétexte que on est obligé de faire ça pour tenir cette ville qui est trop turbulente. Police, je t'aime, moi non plus, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec cet intérêt pour la police du XVIIIe siècle, la police des Lumières, une police récente qui se crée un lien particulier avec le peuple. Et puisque nous évoquons Cartouche, allez, retrouvons-le, il est roué vif, place de grève à Paris le 28 novembre 1721, oui, mais il nous laisse une magnifique complainte, la complainte de Cartouche, qui est interprétée par Al Colombe. Un Cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien l'a fait pincer dès le matin. On l'a mis au cachot avec un fort bondrille, sans couteau, ni ciseaux, ni marteau, ni faucille. Leurs mains ont fait un trou chez le voisin. Il dit à la question, je ne suis pas Cartouche, je suis Jean Bourguignon, je ne crains point vos douches. Je suis Lorrain de nation, je suis Lorrain. Pour le menage dit, à la place de grève, tout y était si rempli. La complainte de Cartouche par Al Colombe dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, et merci aux équipes techniques de France Bleu Aix aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Police, je t'aime, moi non plus, mais pas n'importe quelle police, la police du XVIIIe siècle qui est récente, elle est créée en 1767 par le roi Louis XIV. En fait, elle est mise en place administrativement avec la lieutenance de police, mais critiquée pour sa violence et puis pour être un peu servile au pouvoir. La police assure néanmoins la tranquillité des gens, et dès lors, elle intéresse. Elle intéresse les philosophes. Vincent Millot, les philosophes, les littérateurs portent un regard évident sur la police. Quel est-il ? Comment est-elle jugée, cette police-là ? Elle est jugée dans son organisation administrative efficace, mais dans sa pratique critiquable. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué dans la mesure où les Lumières ne constituent pas un parti uniforme, et donc il y a beaucoup de contradictions et de différences de point de vue au sein de ce mouvement dit des Lumières. Si on prend un disciple de Rousseau, puisqu'on a ouvert l'émission avec ses chemises, Louis-Sébastien Mercier, qui est l'auteur d'une œuvre très importante de la fin du XVIIIe siècle, Le Tableau de Paris, on a un personnage donc qui est issu de la bourgeoisie parisienne, des artisans très qualifiés, puisque son père est armurier. Il est lui-même formé, il a suivi des études, c'est un homme de lettres, et il a une position qui est très ambivalente à l'égard de la police. D'un côté, il va dire « le mal est à côté du bien ». D'un côté, il va louer ce que peut faire cette lieutenant général de police, alors pas simplement sur le front de la sécurité, mais également pour améliorer un certain nombre de choses dans l'administration urbaine. Donc par exemple, tout ce qui peut être fait pour réformer l'assistance, pour améliorer la salubrité, pour améliorer l'organisation des marchés. Et de l'autre côté, il déplore les enlèvements, c'est-à-dire une police qui est trop arbitraire, qui fonctionne sans contrôle des citoyens, sans contrôle en quelque sorte judiciaire. La police, elle est par ailleurs extrêmement critiquée par ceux qui veulent réformer la justice au XVIIIe siècle, qui dénonce par exemple l'emploi massif des lettres de cachet, même si c'est quelque chose qui est un système un petit peu complexe à comprendre, mais donc c'est ce problème des enfermements arbitraires qui est mis en cause. Et puis la police, elle fait aussi l'objet d'un très grand débat autour des questions économiques, autour de la question des livres, des vivres, entre les économistes politiques libéraux qui veulent un marché libre, et les partisans d'une police à l'ancienne qui veulent que la police intervienne régulièrement sur les marchés en cas de nécessité pour éviter les émeutes. Donc la police, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, elle fait l'objet de nombreuses controverses, de nombreuses discussions, et on peut dire que c'est un dossier qui est en pleine effervescence à la veille de la Révolution. Eh bien justement, Vincent Millot, nous allons illustrer cette effervescence de discours avec une lecture d'un texte d'Alexandre Guilloté, qui est un officier de la maréchaussée de l'Île-de-France et qui, en 1749, a écrit un mémoire pour la réformation de la police de France. Il nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. C'est à l'aide des divisions et subdivisions que l'autorité est immédiatement appliquée, qu'un magistrat est aussi exactement instruit de ce qui se passe dans la ville que de ce qui se fait dans sa propre maison, que quoiqu'il n'y ait aucun instant où la face des choses soit la même, elle lui reste cependant également présente, qu'on fait évanouir la distance qu'il y a entre le méchant et la loi, entre le châtiment et la faute. Distance énorme si l'on compare l'étendue d'un royaume avec la sphère étroite d'un particulier. Que le bras du magistrat se tient perpétuellement suspendu sur les malfaiteurs, qu'ils sont sans cesse dans sa main, que son œil suit partout ces atomes imperceptibles et dangereux, qui n'osent faire le mal que parce qu'ils s'en promettent l'impunité, et qui ne s'en promettent l'impunité que parce qu'ils espèrent échapper par leur petitesse entre les doigts du magistrat. Alexandre Guilloté, officier de maréchaussée de l'Île-de-France, un mémoire pour la réforme de la police de France en 1749, lu dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau. Nicolas Vidoni, dans cette volonté de réforme de la police au XVIIIe siècle, il y a ces réformes administratives possibles, il y a des réflexions, et puis il y a une action même du lieutenant, de la lieutenance de police, pour se faire bien voir. Oui, exactement. Alors on le voit avec Guillot, on a des policiers qui ne sont pas en quelque sorte hostiles aux Lumières. Et c'est là où on pourrait filer une métaphore, mais les policiers le font à l'époque, enfin plutôt les agents de police le font eux-mêmes à l'époque. Ils ont la volonté de faire la lumière sur toute la ville et en cela de s'ouvrir aux tendances du temps, aux tendances du siècle, qui sont des tendances réformatrices, amélioratrices, pour produire le bien-être de l'État et le bien-être de la population. Et donc on voit que ces agents de la police ne sont pas eux-mêmes uniformes, homogènes, univoques, on a des gens qui sont ouverts aux tendances nouvelles. Et parmi eux, parmi ces gens, on a des lieutenants généraux qui se montrent effectivement plus intéressés par ces questions, et en particulier Sartine, que Vincent Millot connaît bien, ou Lenoir par la suite. On a ici des gens qui sont sensibles à ces nouvelles idées et qui veulent en quelque sorte améliorer la ville. Alors ils le font en rapport avec le public, et c'est une nouveauté dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a une police qui veut se faire accepter par la population, mais pas toute la population. On est bien dans une société inégalitaire, et le but est de se faire entendre en quelque sorte de l'élite, de ce qu'on appelle à l'époque l'opinion publique, et on le voit par des publications, par des projets de réforme, par des mémoires qui sont diffusés, et on a parmi ces instruments de diffusion un journal, le Journal de Paris, qui est créé en 1777, à l'initiative de Lenoir. On voit que dans les articles de ce journal, on a des portraits de la ville qui sont dressés, on a un état des lieux de ce que fait la police qui est dressé, et on a un discours qui est tenu, qui est positif, et qui permet de diffuser dans l'élite, dans l'opinion publique, une bonne image de la police. Cette image de la police est évidemment différente selon où l'on se trouve dans la société. Si l'on est un bourgeois possédant ou si l'on est quelqu'un qui essaye de survivre dans les rues parisiennes. Isabelle Fouché, dans ces archives, les archives qui sont aux archives nationales, celles du Châtelet, oui. On a en fait un véritable panorama de la société. La composition de ces archives, elles sont gigantesques. Gigantesques, oui, 2 kilomètres linéaires, 400. Puisqu'on compte dans les archives en mètres linéaires, vous voyez, de rayonnage, et donc 2,4 km pour le Châtelet de Paris. C'est énorme, 2,4 km d'archives avec un reflet de la société, mais un reflet biaisé, c'est-à-dire ce n'est que le regard de celui qui juge. Exactement, et oui, moi c'est vrai qu'en tant qu'archiviste, je plaide pour qu'on puisse regarder la totalité, ou en tout cas la pluralité des archives, aussi bien les archives, les mémoires, les rapports au plus haut niveau, mais ces archives de la répression. Bon, c'est vrai qu'on a peu de témoignages, malgré tout, des personnes réprimées, des personnes enfermées par elles-mêmes. Mais en tout cas, on peut, en regardant la diversité, la totalité, se faire une idée plus contrastée. Et c'est pour ça, effectivement, que j'ai parlé tout à l'heure de ces 10 000 enfermements, parce qu'à l'Arsenal, on a tous ces dossiers de surveillance et d'enfermement qu'il faut regarder. Et leur masse est importante. C'est comme pour aujourd'hui, quoi. Il faut à la fois, enfin, pour les historiens du futur, il faudra regarder à la fois les circulaires du ministre de l'Intérieur ou ses discours. Et de l'autre part, les vidéos qu'ont pu faire les manifestants, par exemple. C'est important parce que c'est pas la même histoire qu'on écrit et il faut l'ensemble pour se faire une idée. Et dans cela, il faut également le regard porté sur la police, notamment le regard de ceux qui pensent la société au XVIIIe siècle. Vincent Mignot, comment se construit ce regard sur la police? Bien sûr, nous pouvons simplifier. C'est vrai que le monde des Lumières est un monde divers et vous l'avez rappelé. Mais pour parler des philosophes des Lumières qui cherchent la liberté, le bonheur du peuple, la police n'est pas une institution qu'il faut rejeter, au contraire, mais peut-être une institution qu'il faut transformer. Alors là encore, ça dépend vraiment de l'endroit où on se situe dans les Lumières. Si vous prenez ceux qu'on appelle communément les philosophes et les grands auteurs que l'histoire littéraire nous a légués, Voltaire, Diderot, ce sont des gens qui n'ont pas forcément une relation d'hostilité envers la police. C'est plus ambigu. Alors c'est vrai que Diderot a tâté du donjon de Vincennes, donc ensuite il est prudent dans ses écrits parce qu'il sait qu'il peut tomber sous le coup de la censure. Mais en fait, les responsables de la censure se montrent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle plutôt tolérants à l'égard de ceux qui sont assez largement reconnus déjà, comme Rousseau, comme Voltaire, comme Diderot. En revanche, là où ils sont beaucoup plus impitoyables, c'est à l'encontre de ceux que l'historien Robert Darnton a appelés les Rousseaux du ruisseau, c'est-à-dire une masse de petits littérateurs, de pamphlétaires, qui eux, quand ils tombent dans les mailles de la police, sont traités beaucoup plus sévèrement. Ce sont aussi les gens du livre qui finissent embastillés, c'est-à-dire tous ceux qui sont responsables de la circulation de la littérature interdite et clandestine. Ce sont surtout eux qu'on va retrouver à la Bastille pour des délits de librairie. Quelqu'un comme Guilloté, dont on parlait tout à l'heure, lui, c'est un personnage intéressant parce que c'est un policier, mais qui est un ami de Diderot, qui est collaborateur de l'encyclopédie, donc c'est un personnage qui a une position sociale tout à fait particulière. Après, les témoignages sur la police sont divers. Là, tout va être question de point de vue. Quand on regarde les archives, on voit à travers ces archives ressortir une hostilité, des formes de résistance, de réticence à l'égard de l'action de la police et notamment de certains policiers. Le commissaire, lui, jouit d'une certaine notoriété dans son quartier. L'inspecteur, ça va varier au fil du temps. Mais ceux qui sont vraiment détestés, ce sont ceux qui travaillent pour les inspecteurs et notamment les mouches qui peuvent être parfois physiquement liquidées. Donc cette hostilité à la police, elle sourd des archives, mais on a aussi des témoignages de bourgeois qui sont plus ambigus parce que ils attendent aussi une forme de protection. Personnage intéressant pour terminer, Ménétra. Jacques-Louis Ménétra, compagnon, puis maître vitrier, dont, qui a laissé une autobiographie donc très rare, une autobiographie populaire, étudiée par Daniel Roche. Et lui, dans sa jeunesse, on voit qu'il a une attitude plutôt, sinon de révolte, en tout cas, il est capable de faire des niches, il est capable d'une certaine insubordination à l'égard des policiers qu'il rencontre. Mais lorsqu'il devient plus tard un maître de métier, donc lui-même un notable dans son quartier, il a une face au commissaire notamment, il est plutôt dans un rapport d'égalité, de négociation. Donc au fil du temps, au fil de l'évolution de sa carrière et de sa position sociale, son attitude face à la police est susceptible de varier. Les voix changent selon sa position sociale. C'est vrai que nous aimons, hein, ces constante en fait dans l'histoire. En parlant de voix et de la police, je vous propose d'écouter Arlette Farge, l'historienne Arlette Farge, qui parle de la voix de la justice, de la voix de la police. C'était sur France Inter en juillet 2011. La voix de la justice, le juge, la voix habituelle de la police qui est très mêlée à la population, c'est une voix traditionnelle, c'est la voix comme vous et moi, sauf qu'elle a peut-être un peu plus de solennité, puis qu'on a peur du commissaire de police. Mais par les interrogatoires, ce que j'ai pu lire, on voit qu'il y a un rapport assez facile entre celui qui est interrogé, qui témoigne ou qui est accusé, et le commissaire de police, qui a plutôt la voix, on le dit, d'un père. Un père autoritaire, mais un père, une voix paternelle, une voix qui protège, une voix qui punit, une voix qui rassure et une voix qui vous met en prison. Mais c'est à quelque chose du père. Or, le père, c'est une instance qui devient très importante au XVIIIe siècle. Vincent Milliot, vous étiez en train d'acquiescer en écoutant Arlette Farge qui parlait de cette voix autoritaire et cette comparaison entre une police paternelle et puis la réalité de ce qu'est la police en fait. En fait, ça renvoie à un modèle politique beaucoup plus large, c'est-à-dire que le roi, il est père de ses sujets. C'est d'ailleurs pourquoi il doit s'occuper de leur subsistance. Et ce modèle d'autorité très paternaliste, il est décliné à travers un certain nombre de pouvoirs et de rouages. Et c'est vrai que la police se vit sur ce modèle d'autorité et de discipline paternelle. Alors, le père corrige, le père protège. Il y a un petit peu toujours ce balancement. Nicolas Vidoni, cette autorité paternelle de la police, en fait, c'est une autorité contre laquelle il faut savoir se rebeller aussi, parce qu'on se rebelle toujours contre son père. C'est aussi la construction que l'on peut faire de cette police au XVIIIe siècle. Elle est là, elle est présente, mais il est bon aussi de savoir lui donner des limites. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si il faut être freudien pour analyser la révolte contre le père. Plus simplement, en fait, on remarque que, en particulier dans les catégories populaires de la population, et ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît très nettement dans les archives, on a, à un certain moment, plutôt dans la décennie 1780-89, on a un moment où la police du quotidien, cette police qu'on a évoquée, faite de mouchards, faite d'inspecteurs qui parcourent les rues, faite du guet, de la garde, elle devient en quelque sorte insupportable. Alors comment ça se manifeste? Eh bien on constate que la police va de plus en plus contrôler les cabarets, les tavernes, et que le nombre de punitions, le nombre de condamnations qui vont intervenir pour le fait de ne pas respecter les horaires de fermeture, pour le fait d'accueillir des clients trop nombreux, pour le fait de ne pas ouvrir la porte lorsque la garde passe, ça va devenir en quelque sorte un motif de condamnation de plus en plus fréquent, et cette condamnation de plus en plus fréquente, elle va devenir insupportable à la population. Alors comment ça se manifeste? Premièrement, par le fait de refuser que la garde ou que le guet ou que les inspecteurs contrôlent les lieux de débit de boissons. On voit des tenanciers qui ferment leurs portes et une population qui se révolte lorsqu'on a une mouche qui arrive dans le cabaret. Deuxième élément, on va voir des atteintes physiques aux agents de la police, que ce soit des militaires, le guet ou la garde, ou que ce soit les inspecteurs. On va les repousser physiquement des cabarets, des tavernes, et on va leur interdire de contrôler. Et on constate que dans les années 1787-89, premièrement, le nombre de condamnations devient très élevé. La police réprime de plus en plus ces atteintes à l'ordre des cabarets. Deuxième élément, le nombre de révoltes devient de plus en plus nombreux. Et ça, les commissaires, les inspecteurs l'enregistrent. Et donc, on voit que ce n'est pas une police, en quelque sorte, dénoncée par les philosophes qui devient intolérable. C'est plutôt une police du quotidien qui va contraindre les gens dans leur sociabilité quotidienne et qui va induire en quelque sorte une politisation de la population, puisqu'elle va être amenée à prendre position pour ou contre ce type de police. Nicolas Vidoni, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous avons un commissaire, plus précisément une commissaire, c'est le commissaire d'exposition, mais c'est déjà énorme, Isabelle Fouché, cette exposition aux Archives nationales, la police des Lumières, ordre et désordre dans les villes. Au XVIIIe siècle, nous faisons un focus sur Paris, mais les problématiques valent pour l'ensemble des villes du royaume au XVIIIe siècle. Mais il y a cette notion d'ordre et de désordre, en fait, systématiquement avec la police. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans tous les registres, dans tous les rapports d'audience, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est en désordre et que la police est là pour remettre l'ordre. Comme l'a indiqué Nicolas Vidoni, on a ces rapports d'audience où on donne une amende parce qu'un cabaretier a ouvert en dehors des heures correctes. C'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes, 11 personnes la nuit à 2 heures du matin. Il y a quelqu'un qui a mis des cailloux ou déversé un pot d'urine dans la rue. Ça peut être des tout petits désordres, mais c'est de cet ordre-là. Et c'est vrai que l'exposition va montrer à travers toutes les archives, particulièrement le cas de Paris, qui a donc été déjà la première qui a travaillé sur ces sujets, c'est effectivement Arlette Farge, et qui nous a fait découvrir toutes ces archives dans les livres. Pour la première fois, il y a une exposition qui va montrer la diversité des documents, à la fois dans les archives du Châtelet et de l'Arsenal, mais aussi dans d'autres villes européennes, Londres, Madrid, Bruxelles, Naples, Genève, en contrepoint, et aussi des villes de France comme Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec cette exposition. On fait des contrepoints. L'essentiel, c'est Paris, mais il y a ces contrepoints tout au long de l'exposition sur d'autres villes françaises et européennes. La police des Lumières, ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle. C'est une exposition aux Archives nationales, donc qui commence le 11 mars. Il y a un ouvrage que vous avez co-dirigé, hein, donc Isabelle Fouché, Vincent Millot avec Vincent Denis. Cet ouvrage et puis cette exposition est intéressante aussi parce qu'elle nous fait toucher du doigt ces archives. Nous évoquons Arlette Farge, le goût de l'archive. Ce sont des archives très particulières parce que nous sommes dans le concret, le quotidien. Il y a quelque chose toujours de très touchant. Nous regardons cela avec nos regards de personnes du 21e siècle, ou d'historiens, d'historiennes. Mais là, on est dans du concret. On touche au quotidien des gens. Oui. Et c'est troublant. J'évoquais Rousseau et ses 22 chemises volées. Oui. On voit la préoccupation du moment de Rousseau. Oui, elle est passionnante, cette archive. C'est une déposition, et ça, il y en a des milliers, de dépositions des victimes qui racontent le vol. Et on rencontre tout Paris. On verra effectivement du simple crocheteur, enfin du simple... voilà. manœuvre à aux personnalités. Mercier, par exemple, qui fait un scandale à l'opéra. Rousseau qui se fait voler ses chemises. Diderot qui est, lui, les commissaires, le commissaire et l'inspecteur viennent faire une perquisition pour saisir la lettre sur les aveugles. Et en fait, ils se rendent pas compte que dans d'autres cartons, il y a le dictionnaire qu'il est en train de traduire. Et donc, il traduira pas. Et en fait, ils feront l'encyclopédie. Et ça, les flics s'en rendent même pas compte qu'ils sont en fait au cœur de ça. Donc oui, on voit passer tout le monde. Voilà, donc l'exposition aux Archives nationales. Et puis après, il y a tous vos ouvrages. Hein, Vincent Millot, L'admirable police, Tenir Paris au siècle des Lumières. Nicolas Vidoni, La police des Lumières. Isabelle Fouché, Écris-moi si tu m'aimes encore. Ça, c'est le titre de votre ouvrage. Dans le cours de l'histoire, il est l'heure maintenant de retrouver Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, dans le journal de l'Histoire, vous revenez sur l'accès aux archives, une question sensible parmi les historiennes, les historiens, depuis quelques semaines maintenant. Deux tribunes publiées dans les pages du Monde datées du 13 février sonnent l'alerte du fait d'une restriction sans précédent de l'accès aux archives contemporaines. Cette indignation s'accompagne d'une protestation de chercheurs étrangers. Parmi les signataires, on trouve de grands noms de l'histoire contemporaine, tels que Robert Paxton, spécialiste très connu de la politique de collaboration du régime de Vichy. Ce qui est en cause ici, des documents librement consultés depuis des décennies ne sont plus accessibles aujourd'hui. Les archives ne sont pas fermées, mais les temps de communication des documents sont rallongés considérablement, parfois sans information sur l'issue de cette attente. Les signataires des deux textes ne remettent pas en cause la nécessité de contrôler des documents sensibles pour la sécurité nationale, mais dénoncent une application abusive de la loi sur les archives de 2008, sans réflexion sur ses conséquences, et rappellent que, depuis la Révolution française, la République garantit aux citoyens l'accès aux archives de l'État, accès, considéré comme une protection indispensable contre l'arbitraire. Le fameux tampon secret se retrouve parfois sur des documents déjà bien connus, voire publiés. Dans la pétition qui prolonge la tribune du Monde, les auteurs mettent en doute, par exemple, la pertinence d'interdire la consultation des plans du débarquement en Normandie. On peut en douter avec eux. Ouvrir les archives, il est aussi facile de le dire que malaisé de le faire. Les portes de notre mémoire ont la réputation d'être lourdes, surtout lorsqu'il s'agit d'une page sombre de notre histoire. Ce blocage aux archives, on le doit à l'IGI 1300, une instruction générale interministérielle de 2011, une super circulaire qui met en application la loi sur les archives de 2008. Une mise en application qui intervient 11 ans après le texte législatif, au moment où pourtant le président Macron affiche une attitude bienveillante à l'égard de la recherche en ouvrant les archives sur la disparition du militant communiste Maurice Audin et plus largement sur les disparus de la guerre d'Algérie. Les fonds du service historique de la Défense sont particulièrement touchés. Avant, les chercheurs avaient accès à un dossier ou un carton d'archives, et si des documents classifiés secrets ou très secrets s'y trouvaient, on considérait de fait qu'ils étaient consultables sans avoir à être déclassifiés. Aujourd'hui, ces documents ne sont plus accessibles et avec eux, l'ensemble du dossier ou du carton, par mesure de précaution. Tant qu'il n'a pas été tamponné, déclassifié matériellement, c'est-à-dire tamponné manuellement, explicitement et pièce par pièce. Un travail titanesque. Aux Archives nationales, on a pris acte bien plus tôt de ces nouvelles contraintes et un protocole a été élaboré pour l'application de la loi. Les documents sensibles sont laissés dans le dossier ou dans le carton, mais cachetés sous enveloppe, ce qui permet de laisser l'accès au reste de l'ensemble en attendant la déclassification des documents spécifiquement en cause. Cette application soudaine d'une loi de 2008 met un coup d'arrêt aux travaux des chercheurs en cours sur ces documents. Les inquiétudes légitimes portent sur la capacité des centres d'archives concernés à trouver les moyens de régler le problème dans un temps raisonnable pour des chercheurs dont les travaux sont en suspens. L'histoire ne se fait pas sans archives, on attend donc une décision politique qui propose une solution à l'absurdité de cette situation. L'histoire ne se fait pas sans archives. Oui, c'est essentiel de le rappeler. Vous avez raison, Anaïs. Merci beaucoup. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr et tous les liens nécessaires pour aller plus loin. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'histoire de la police. Police, je t'aime moi non plus, avec un écho évident au monde contemporain, des débats autour des violences policières, des questionnements avec toutes ces vidéos que l'on peut croiser sur les réseaux sociaux. Quand on est historien, historienne, on a accès à des réflexions, en l'occurrence du XVIIIe siècle. Il y a un écho, en fait, sans cesse, entre ce que vous pouvez lire aujourd'hui et ce que vous pouvez lire au XVIIIe siècle, Isabelle Fouché. Bien sûr. Et donc, il faut ouvrir les archives, ça c'est une évidence, il faut les le plus possible, et d'autre part, il faut veiller à ce que les archives existent. Et donc en particulier, je pense aux violences sur les manifestants, les violences policières. Là, apparemment, je lis qu'il y a toute une série de choses qui vont être faites pour essayer d'empêcher les manifestants de filmer les violences, alors que c'est un droit de filmer quand il y a une interpellation policière. Donc voilà, ces archives, il faut qu'elles existent. Il faut d'abord qu'on puisse empêcher, et puis d'autre part que les archives existent. Et quand elles existent, il faut qu'elles puissent être communiquées au plus grand nombre. Voilà, conserver, étudier, communiquer, et ne pas les restreindre. Comme voilà, il n'y a aucune raison de restreindre ce dont on vient de parler. Vincent Millot, sur cette question des archives, à force d'étudier la police du XVIIIe siècle, vous donnez des idées après aux gens d'aujourd'hui qui disent qu'il faut surveiller les archives, il faut empêcher les archives. Non, je parle du discours entre la violence policière d'aujourd'hui et la violence de la police au XVIIIe siècle. La violence de la police, c'est un discours continu. Oui, alors quand même deux choses. La police du XVIIIe siècle, elle a incontestablement un aspect répressif, mais elle se veut d'abord et avant tout préventive, parce qu'elle n'a pas tellement les moyens de faire autrement. Il ne faut pas méconnaître non plus l'existence à la fin du XVIIIe siècle de réflexions autour du maintien de l'ordre. Et notamment, certains responsables disent « un citoyen égaré ne doit pas être détruit ». Donc faire la police, faire du maintien de l'ordre, ce n'est pas exactement faire la guerre. Donc la question là de la liberté du citoyen est en quelque sorte posée, et le legs de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution, c'est celui-ci. Qu'est-ce que doit être une police dans un état de droit qui préserve les droits fondamentaux des citoyens? Question contemporaine. Merci beaucoup Vincent Millot, merci Isabelle Fouché, merci Nicolas Vidoni. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Nous nous retrouvons dès demain pour évoquer cette question grave: comment la police est-elle devenue républicaine ?